L'équipe coréenne, championne de la Coupe du monde du football féminin de moins de 17 ans de la FIFA 2016, a regagné son pays le 25 courant. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Pyongyang par Kim Yong-chol, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée et d'autres cadres intéressés. Des sportifs et membres de leur famille ont offert des colliers et gerbes de fleurs aux joueuses et entraîneurs en signe de félicitations pour leur performance. Le bus chargé des footballeuses a quitté l'aéroport pour le milieu de la ville via l'arrondissement de Sunan, sous les applaudissements des habitants. Depuis l'entrée de la commune de Lyonmot, le grand bus décapoté chargé des joueuses a parcouru les rues de la capitale, dont le carrefour de Ryongwon, l'avenue de l'Arc de Triomphe et le carrefour de Changzhon, sous les acclamations des citadins de tous les paliers. Les footballeuses ont déposé une corbeille et des bouquets de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de s'incliner.